Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Il s'appelle Emmanuel. Anaitwa Mungu pamoja nasi. Mais qui l'aurait demandé d'être Emmanuel? Nani angelimwambia awe Mungu pamoja nasi? La grâce. Ni neema. Il a pourvu à nos besoins toute l'année. Amejibu mahitaji yetu mwaka wote. C'est vrai, nous avons prié qu'il le fasse. Tuliomba atutende hivyo. Mais qui l'a obligé de le faire? Hakuna aliyemkaza afanye hivyo. La grâce. Neema tu ilifanya afanye hivyo. Alléluia. Amen. Ce soir, jioni hii, je voudrais partager sur quelque chose. Naenda kuongelea kitu moja. Cela fait partie de la deuxième réponse. Hii ni sehemu ya jibu ya pili. Que nous voulons dire à Dieu, tu as raison de venir. Tunataka kumwambia Mungu unakuwa na sababu ya kukuja. Parce que nous voulons te chercher en esprit, en vérité. Sababu tunataka tukutafute kwa roho na kwa kweli. J'aimerais, mon frère, que tu comprennes ceci. Napenda ndugu dada uelewe hivi. Ce programme est tellement précieux. Hii mpango ni omana. Que Dieu voudrait que tu en profites au maximum. Mungu alipenda uifaidikie kwa utele. Et c'est pourquoi il essaye de nous préparer. Ndio maana Mungu anapenda kututengeneza. Pour que nous puissions pénétrer réellement dans ce programme. Ili tuingie kabisa katika mpango. Beaucoup de chrétiens wa Kristo wengi vont dans les églises. Wanaingia katika makanisa. Et ils sortent. Na wanatoka ndani. Et si on posait la question, na ungewauliza, la question à Dieu. Ungeuliza Mungu. Vous dites, tu as vu Joseph? Ulimuona Yusufu? Il va dire, non, Joseph. Yusufu. Non, il n'était pas là. Mimi sikumuona. Tu as vu Paul? Uliona Paulo? Il dit non, Paul n'était pas venu à la réunion. Sikumuona katika mkutano. Vous savez pourquoi? Kwa nini hivyo? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est notre esprit. Kinacho furahisha Mungu. Beaucoup de gens viennent dans les réunions. Wengi tunakuja. Beaucoup de gens vont même dans des moments comme celui-ci. Wengi wanashiriki mikutano kama hii. Mais ils sont tellement oisifs. Lakini ils sont tellement superficiels. Mafikiri yao inatembea huku na huku. Qu'à la fin de compte, na kwa mwisho, Dieu ne l'a pas vu. Ni kama vile haukukua katika uwapo wa Mungu. Tu n'étais pas là. Ni kama vile haukukua ulikuwa tu kimwili na mafikiri yako ilikuwa mbali kwa kitu kingine. Ton esprit n'était pas là. Roho yako haikukua hapa. Ton esprit n'a pas contacté l'esprit de Dieu. Roho yako haikugutana na roho. Ton esprit n'est pas approché de l'esprit de Dieu. Roho yako haikuungana na roho. Les réunions spirituelles. Mikutano ya kiroho. Les moments spirituels. Muda wa kiroho. Comme celui-ci. Kama na huu. Nous voulons passer 15 jours. Tunapenda kupitisha celui-ci est le deuxième jour. Hii ni siku yetu ya pili. Est-ce que vous savez ça? Je mnaijua hii? On est déjà au deuxième jour. Tunaingia déjà siku yetu ya pili. Si vous voulez gagner de ce programme, kama unataka ufaidike, ce soir, jioni, nous voulons partager, tunapenda kuongea, sur l'importance juu ya faida, de rechercher Dieu avec notre esprit. Ya kutafuta Mungu na roho. C'est la raison pour laquelle Dieu viendra. Ndio sababu Mungu atakuja. En plus, la première raison que nous avons vue hier, bali ya sababu ya la kwanza, communion. Dieu viendra Mungu parce que nous sommes en communion avec lui. La deuxième réponse, Dieu viendra Mungu parce que nous le cherchons de tout notre cœur. Dieu na viendra Mungu parce qu'il va rencontrer nos esprits. Beaucoup de gens viennent à l'église toute beauté, na uzuri tu, toute danse, na kila kitu tout yote, genou, na magoti, toute main, na mikono, toute langage, na misemo, bien que cela soit, ni muzuri si ndio, notre esprit n'a pas contacté lakini Dieu, kama roho haikutane na Mungu, c'est pas intéressant. Hautafaidika. Et les retombées ne viendront pas na faida aussi longtemps que notre esprit contacte l'esprit de Dieu. Na roho ya Mungu. Lisons quelques textes. Usome fulani. Dans Jean chapitre 4 verset 23, Yohana 4 makumbi na tatu, il est écrit, imeandikwa, « C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Qui essaie de lui dire, vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus lui répond. Il dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Et puis il ajoute, Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit wamuabudu kwa et roho, en vérité. Na kwa kweli. Autrement, ni kusema, comme Dieu est esprit, roho, il veut l'adoration de mon esprit. Muabudu kutoka roho. Il veut l'adoration de mon esprit. Anataka ni muabudu kwa roho yangu. Il ne veut pas l'adoration de mes lèvres. Hataki ni muabudu kwa midomo. Il n'attend pas mes phrases. Hatsikie misemo. Même mes genoux. Hata kugujama kwa. Même mes battements de main. Hata kupiga mikono. Même mes danses à genoux. Hata kucheza nikiwa mkoti. Même quand je devrais ramper. Hata nitakapolala. Si l'esprit n'est pas en mouvement. Kama roho yangu haigusani na roho. Rien ne sert. Hakuna faida. Dieu n'attend pas toutes mes gesticulations. Vitu vyote hivi. Pieuse soit-elle. Hata kama ni vitu vyenye Dieu attend Mungu anangoja un contact direct. Tukutane mu roho. Avec mon esprit. Akutane na roho yangu. Écoutez s'il vous plaît. Munisikilize wapenzi. Au commencement, pale mwanzo, Dieu créa Adam. Mungu alimuumba Adamu. Les étapes vous connaissez. Unajua vipindi. La Bible dit il a fabriqué la terre. Kutoka udongo. Il a ramassé, alikusanya il udongo. A fondé quelque chose qui ressemble à ce que nous sommes. Kile ambacho tunafanana leo. Et puis il insuffla. Na kisha akapuliza ndani pumzi. Son souffle dans cette chose. Pumzi yake ndani ya ile matope iliyotengenezwa. Dit à ton voisin, au départ tu étais une chose. Mwambie kumwanzo ulikuwa matope, ulikuwa kitu, matope. Jusqu'à ce que Dieu insuffle dans cette chose. Mpaka Mungu alipopuliza ndani ya ile matope. Tu es une chose. Bila hiyo pumuzi wewe ni matope. Écoutez-moi bien. Munisikie vizuri. Et lorsque Dieu a soufflé son souffle, cette chose devait un être vivant. Dites-moi maintenant. Sasa uniambie. Beaucoup de gens ignorent ou confondent. Watu wengi wanachanganisha. Ils pensent que ce que Dieu a mis dans l'homme, wanafikiri yale Mungu aliweka ndani ya mtu. C'est la respiration. Ni hii pumuzi yenyewe tunapumua. Savez-vous que les poules respirent? Mnajua hizi kuku wanapumua. Les vaches respirent. Ngombe naye anapumua. Et quand la vache meurt, vous la mangez. Wakati ngombe anakufa tunamkula. Elle va au ciel ou en enfer. Je, ngombe anaenda mbinguni au anaenda kumoto. Elle va où? Kama alikuliwa na Mkristo au kama alikuliwa na mpagano. Dans le ventre. Ensuite, inaenda kutumbu na inaenda ishia kusiri. Alléluia. Ndio. Alléluia. Amen. Mais pourquoi quand toi tu meurs, wakati wewe unakufa, ça s'arrête pas là. Ouais, pale. Parce que ce que Dieu a mis en nous ce jour-là, yale Mungu aliweka ndani yetu ile siku, c'était une partie de son propre esprit. Ilikuwa sehemu ya roho yake. Dites à ton voisin, ambia jirani, ce que tu es réellement, yale uko kwa kweli, c'est une partie de Dieu. Ni sehemu ya Mungu. Et quand Dieu nous cherche, Mungu anapotutafuta, quand nous organisons des moments comme ça, tukitengeneza mikutano Dieu kama cherche hii. Des contacts avec Mungu la chose qui était sortie de lui. Akutanane na ile kitu kenye kilitokaka kwake roho zetu. Dieu cherche le contact Mungu anataka ushirikiano avec notre esprit. Pamoja na roho zetu. Vous savez, j'aime souvent quand le pasteur Christophe dit soyez concentrés. Napendaka wakati mchungaji Christophe anasemaka muwe hapa. Il essaie de dire. Nikutaka kusema. Remontez. Mupande. Libérez votre esprit. Mwachilie roho yenu. Permettez que votre esprit rencontre Dieu. Mwachilie roho yenu ikutane Mungu. Très souvent nous sommes venus dans multiples réunions. Mara nyingi tunakuja mu mikutano. Et nous sommes sortis comme nous sommes entrés. Na tumetoka ndani gizi tulipoingia. L'explication est simple. Sababu ni kidogo. Nous sommes entrés avec la chair. Tuliingia na mwili. Nous sommes sortis avec la chair. Na mwili. Dieu ne nous a pas vus. Na Mungu hakutukutana. Mais quand nous étions là-dedans, lakini tukikuwa nous avons dit des choses à Dieu. Tuliongea na Mungu. Mais qui a dit des choses à Dieu? Nani aliongea na Mungu? Notre âme. Nafsi yetu. Notre intellect. Akili zetu. Alors que Dieu voulait que ces choses lui soient dites. Par notre esprit, kutoka kule ndani ya roho, afin que les esprits se comprennent. Ili roho na roho waelewane. Durant ces deux semaines, katika majuma mawili, le travail que tu dois faire ce soir, kazi utaifanya ijioni, c'est de travailler ton âme, ni kutumika humu ndani ya roho yako, c'est de travailler ton esprit, kutumika roho yako, pour que ton esprit passe ces deux semaines avec Dieu. Ili roho yako ipitishe juma mbili na Mungu. Chaque fois que tu te prépares à venir à la réunion, ukijitayarisha kuja hapa, que ce soit à 10h, à 15h, ou à 20h, ou à minuit, au usiku, assure-toi, hakikisha, que ton esprit est roho prêt yako iko tayari, à aller rencontrer kuenda Dieu, kukutana na Mungu. Et quand tu pénètres cette salle, ukiingia mahali hapa, essaye de te rassembler. Pima kujikusanya kusanya. Essaye de rassembler ton esprit. Pima kurudia kwenye ulitembelea. Que ton adoration ili maabudu yako soit libérée par ton esprit. Itoke kutoka roho yako. Que Dieu veut Mungu qu'on l'adore en esprit, en vérité, autrement dit. Dieu veut Mungu anapenda que notre esprit l'adore. Roho yetu imuabudu. Il faut que mon esprit l'adore. Inaomba roho yangu imwabudu Mungu. Cher choriste, nyinyi waimbaji, nous pouvons être toute chorale. Tunaweza sisi wote kuimba. Et toute beauté. Na uzuri wote. Tout uniforme. Na tumevaa sawa sawa. Et Dieu va se dire. Na Mungu atasema. Aujourd'hui chorale haikukuya. Chorale haikuimba leo. Haikukua. Chorale haikukua. Sikupokea waimbaji leo, hawakunipa nyimbo. Si Dieu ne contacte pas vos esprits. Kama Mungu hakutane na roho zenu. Pour Dieu, vous n'étiez pas là. Ni kusema kwa Mungu hamukukua, mulikuwa leo mshomaji. Vous n'étiez pas mugreve, hamukukua, nyie bote hamukukua mukazi. Vous savez Dieu, mnajua Mungu a institué collador avec les instruments et les ameamua tumwabudu na hivi vitu vyote. Mais ce n'est pas les instruments qui précèdent. Lakini sio hivi vitu vinapita mbele. Ce ne sont pas nos baptêmes qui précèdent. Si mikono yetu inapita mbele. Ce ne sont pas nos danses qui précèdent. Si kucheza yetu inapita mbele. Mais c'est notre esprit qui doit entraîner. Roho yetu njoo inapasha kokota hivi. Qui doit entraîner les doigts. Ni roho doit entraîner la danse. Mikono roho njoo yamuru kucheza. Roho njoo iseme mkinwa. Roho njoo itumie. Isukume notre corps. Mwili huu a produire une adoration. Kutoa ibada. Inayokuwa kimwili. L'adoration spirituelle kuabudu kiroho va produire l'adoration physique. Itazaa kuabudu kimwili. Mais l'adoration physique lakini kuabudu ne kimwili produira pas l'adoration spirituelle. Haiwezi kuzaa kuabudu kiroho. Est-ce que se comprend? Tunaelewa pale. Combien je prie le Seigneur que niko nalilia Mungu atufikishe kwa kiwango hicho. Vous savez, c'est lorsque dans une rencontre, katika mikutano, les esprits des hommes roza watu, sont en contact avec l'esprit de Dieu, na roho wa que Mungu, la puissance de Dieu se déploie. Ndipo uweza wa Mungu unamiminika pale. Quand Dieu doit envoyer sa puissance dans une réunion, akimwanga uweza watu il la fait passer par l'esprit des hommes qui sont là-dedans. Anaipitishia muroza wale wako pale. Si les esprits de ces hommes et ces femmes kama roho ya wale watu wako ne sont pas disposés, ni kama mabido yenye on va avoir des rencontres vides, itakuwa mabido yenye unataka kusota des rencontres creuses, hakutakuwa kitu kinaingia mbele. On aura l'impression qu'on est parti se promener. Tutafikiri kama tulienda kutembea. Et nous allons retenir une chose. Tutashika kitu moja tu. La sœur telle de la chorale a bien chanté. Dada fulani aliimba vizuri. Mais notre esprit est vide. Lakini roho yetu haikupokea kitu. Notre esprit est sec. Roho yetu inakauka. Mais écoutez-moi. Lakini nisikie. Dieu a visité des gens. Mungu alitembelea watu. Dans des rencontres. Katika mikutano. Où il y avait même pas de synthé. Hakukukua hata. Il y avait pas de guitare basse. Hakukukua hata. Peut-être il y avait même pas de tam-tam. Hakukukua hata ngoma. Mais il y avait les esprits des lakini hommes. Kulikuwa roho za watu. Qui étaient comme des vases disposés. Ilikuwa kama mitungi yenye iko tayari. Na Mungu alikuja. Il a rempli ses vases. Akajaza ile mitungi. Il a rempli ses cœurs. Akajaza ses cœurs ont été remplis. Hizi roho zikaja. Et la puissance de Dieu a débordé. Pour toucher la santé, elle a débordé. Pour toucher leurs problèmes, elle a débordé. Pour toucher leur environnement, la puissance a débordé. Même pour toucher les nations. Inchi. 94% des chrétiens au Congo. Leo, asilimia makumi tisa na ine ya wakristo. Quel est l'impact? Matunda yake gani? Et quel est le problème? Shida yetu nini? Vivons-nous réellement avec Dieu, avec notre esprit? Tunaishi na Mungu na roho zetu. Parce qu'imaginez, frère, sœur, sasa tufikirie ndugu, lorsque ton esprit est actif, wakati roho yako imeamka, devant Dieu, mbele ya uso wa Mungu, en connexion avec l'esprit de Dieu, shirikiana na roho wa Mungu, tu ressembles à Bethel. Unafananishwa na Betheli. Tu ressembles à Bethel. Unafanana na Betheli. Ou Jacob, mahali mtumishi Yakobo, s'est couché, alilala, et il a vu des anges descendre, akaona malaika wakipanda wakishuka pale, et il s'est réveillé, il a dit, akalamuka akasema, j'étais couché ici, hapa nililala, Dieu est ici, kumbe hapa Mungu yuko. Imaginez, frères, sœurs, fikiria dada, chacun d'entre nous, kila moya wetu, étant Bethel, awe Betheli, et que l'esprit de Dieu, na roho wa Mungu, est en contact avec notre esprit, anashirikiana naye, anampa vitu vya mbinguni, nous sommes. La gloire de Dieu descend dans notre esprit. Écoutez une chose, frère. Lorsque notre esprit est activé, même à plein sommeil, ça fonctionne. Lorsque Jacob fuit son frère, vous savez, Jacob, c'est un jeune homme que j'aime. Il fonctionnait avec son esprit. Alors que Esaü fonctionnait avec ses muscles. Esaü a appris que papa va bénir. Et il s'est bougé les muscles. Tia mishipa yake fasi yake akasema hapa niko bwana. Ale cherche un gibier. Tatafuta nyama. Tapokea baraka huko baba. Et il est parti en brousse. Akaenda kuinda. Je crois il a couru du matin au soir. Nafikiri alikimbia tangia asubuhi paka jioni. Pour essayer d'attraper quelque chose. Il a pime kuua nyama. Et il n'a rien trouvé. Hakupata kitu. Mais il y avait un petit frère. Lakini mdogo wake. Qui vivait avec son esprit. Alikuwa anasikia vitu ndani ya roho. Il écoutait son esprit. Alisikiliza roho. Il était attentif. Alikuwa akisikiliza siri ya Mungu. Ce fonctionnement lui a déjà fait bouffer le droit de naissance. Parce qu'il était attentif à ce qui se passait dans la famille. Son esprit était actif. Son esprit était ouvert. Il pouvait contacter la volonté parfaite de Dieu. Et son esprit a compris, alors qu'il était ignorant et inconscient dans les seins maternels. Il a médité sur cela pour se dire qu'est-ce qui m'est arrivé dans le sein de ma mère pour que j'attrape le pied de mon frère. Avez-vous déjà vu un bébé qui résonne? Un bébé qui va attraper le pied de son frère dans le ventre? Et vous savez, les mamans comprennent ce que je parle. L'enfant sort avec difficulté. C'est pas un boulevard. Et dans cet encombrement, le petit a tenu le pied de son frère. Les femmes sages ont des difficultés pour gérer cette affaire. Devait-il couper ça? Qu'est-ce qu'on devait faire? Mais le petit a fait l'effort et il est sorti. Et il est sorti avec. Il est sorti avec. Et pendant qu'il grandit, il médite sur toutes ces choses-là. Il s'est dit, bah, fait, c'était quoi? Son esprit est actif. Il réfléchit sur les choses spirituelles. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe. Il médite sur tout ça. Anatafakari vitu vyote hivi vya kimungu. Il s'est dit, certainement Dieu a prévu que ce soit l'aîné. Qu'est-ce qui aide Jacob à comprendre ce choses? Ce n'est pas son intelligence. C'est son esprit. Il réfléchit avec son esprit. Vous savez, l'homme réfléchit à deux niveaux. Nous réfléchissons avec notre intelligence. Mais dans une certaine dimension, nous réfléchissons aussi avec notre esprit. La réflexion dans l'esprit est supérieure à la réflexion dans l'intellect. Lorsque notre esprit est actif, notre esprit est capable de percevoir les choses de haute dimension. Notre esprit est capable d'attraper les réalités spirituelles. Notre intellect a des difficultés pour appréhender les choses spirituelles. Souviens-toi de Nicodème. Jésus lui dit, wakati Yesu anamwambia, il faut que tu naisses de inakubidi uzaliwe mara dans la réflexion intellectuelle, katika akili ya kawaida, de Nicodème, ya Nicodème il docteur, dit, anasema, jeune homme, kijana, tu me vois, non? Si unaona gizi niko na miaka ya je suis vieux. Niko mzee. Comment je vais rentrer dans le sein de ma mère? Tena anizale. Ça c'est les réflexions. Hii ni kiakili. De l'intellect. Ya mwanadamu ya kawaida. Mais Jésus lui dit, lakini Yesu anamwambia, ce qui est né de l'esprit est esprit. Kinachozaliwa na roho, ce qui est né de la chair est chair. Kinachozaliwa na mwili ni mwili. Autrement, Jésus dit à Nicodème, Yesu anaambia Nicodemo, fais gaffe. Fanya angalisho. Si tu veux rester dans la dimension humaine, tu ne vas pas t'en sortir. Hauta toka mwa hali. C'est pas moi qui t'ai appelé de là où tu étais. Pour venir me voir en cachette. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Il a dit, personne ne peut faire de telles choses s'il ne vient pas de Dieu. Jésus n'était pas là, yes, mais son esprit était actif. Et il a compris la réalité. Il a fait le mouvement vers un autre esprit. Et quand il est arrivé, il a dit à cet esprit Jésus, comment je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, tu dois être nouveau. C'est quoi cette affaire? Rentrer dans le sein maternel? Je n'ai pas encore entendu ça. Est-ce qu'il y a des médecins qui seront opérés? Et Jésus fait appel à l'esprit de Nicodème. Pour lui dire, écoute. Monte. Panda katika ngazi za roho. Ne reste pas dans les réflexions humaines. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, à ce deuxième jour, de grâce insondable, monte. Panda. Quitte le niveau où tu es. Toka kwa yale mafikiri ya kimwili kimwili kwa kawaida. Tu médites sur les choses. Unafikiria vitu avec ton intellect. Na akili yako yenyewe na mipaka. Tu réfléchis sur le programme. Unafikiria avec ton intellect. Na akili yenyewe na mipaka. Certaines fois. Na mara nyingi. Certaines pense. Wengi wanafikiri. Comment ça devrait être? Bitaanzia wapi? Dans la forme. Ndaanzia wapi ndaishia wapi? Kao sera l'église. Tutakapokuwa mkanisa. Le pasteur viendra me toucher. Mchungaji atakuya tanigusa. Et puis je vais sentir la chaleur. Nitasikia moto. Et puis je vais tomber. Nitaanguka. Je vais sentir le froid. Nitasikia baridi. Je vais commencer à trembler. Nitatetemeka. Ça tu as la dimension intellect. Ni akili yako iko nakupeleka kule kote. Tu devrais aller dans la dimension de comprendre. Enda mkuelewa. Que ton esprit ya kwamba roho yako est venu de l'esprit de Dieu. Ilitoka kwa roho ya Mungu. En fait, les rencontres spirituelles, c'est ce contact avec les esprits qui se ressemblent. Maintenant, lorsque notre esprit est encombré par le ténèbre, il est difficile que notre esprit appréhende l'esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Niko naongea na watu hapa. Treize jours qui restent. Siku 13 inatubakia. Dis-moi 14. Au 14. Parce que celui-ci est compris. Iko ndani. Je t'assure. Nataka kuhakikishia. Le ciel a abondamment de choses à t'apporter. Ya kwamba mbinguni zinayala depo ya mbinguni na yala vitu vya kukupatia. Ce sont des semaines de grâces insondables. Ni siku za neema isiyo na kipimo. De grâces insondables. Siku ya neema isiyo na kipimo. De grâces insondables. Siku za neema isiyo na kipimo. Mungu Baba. Neema haina kipimo. De grâces insondables. Est-ce que tu comprends c'est quoi grâce insondables? Si tu le comprends avec l'intellect, hein, tu vas faire des petits calculs. Utafanya bumahesabu budogo budogo. Mais si tu le comprends avec ton esprit, lakini ukaielewa na roho, utaona ya kwamba haikufasa kuya na kungulu twende tafuta matangi matangi ndio tutaleta hapa hapana kuya na kopo tu vas venir tu vas même appeler ton voisin utaita jirani kuya tu vas même appeler toute ta famille utaita jamaa yako yote kuya ukielewa que les grâces ya kwamba neema c'est tout ce dont nous avons besoin tonye tuko nao lazima la grâce neema. On va vous enseigner sur la grâce. Mutafundishwa juu ya neema. Mais j'aimerais que ce premier jour, lakini nataka kwa hii siku ya kwanza, nous puissions comprendre. Tuelewe tayari. Comment nous devons fonctionner dans ce programme. Namna gani tutajikamata katika mpango. Tu peux tout gagner. Unaweza kufaidika yote. Si tu y vas avec ton esprit. Kama unakuja hapa na roho yako. Tu peux tout rater. Unaweza poteza yote. Si tu viens kimwili. Ukija tu hapa kiakili. Regardons quelques textes. Tuangalie usomi fulani. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Mtu ashangilie Bwana. Dans Jérémie chapitre 29. Katika Yeremia makumbi na tisa. Et le verset 13. Kumi na tatu. Donc peut aller à partir du verset 11. Tunaweza anzia kwa 10 na moja. Il est écrit. Imeandikwa. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Regardez. Angalia. Dieu parle. Mungu anaongea. Et il dit, j'ai des projets d'avenir glorieux pour vous. Mipango ya maisha yenu ya kesho iliyo ya utukufu. Je connais les projets que j'ai sur vous. Mie mwenyewe najua mipango niliwapangia. Ce sont des projets de paix non de malheur. Ni mipango ya amani hapana ya mateso. Mais ce qu'il n'a pas dit, yenye hakusema. Ce qu'il a dit, il n'a pas dit ce sont des projets de paix non de malheur par grâce. Hakusema ni mipango sio ya tabu lakini ni ya amani lakini kwa neema. Par grâce. Ni kwa neema tutaingia moyo mipango. Et puis il ajoute. Anaongeza. Vous me chercherez. Mutanitafuta. Vous me trouverez. Mutanipata. Si vous me cherchez de tout kama votre cœur. Kama mnanitafuta kwa roho yenu yote. Or dans la parole de Dieu. Katika neno la Mungu. Le concept cœur. Hii neno roho. Équivaut aussi esprit dans le sens profond. Inataka kueleza neno kusema. Dans le sens original. Roho. Si vous me cherchez de tout votre esprit, kwa je me laisserai trouver. Regardez le verset suivant. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vais ajouter, dit l'Éternel. Et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Kutoka kule utumwa. Je vais faire tout ça. Nitafanya hivi si vous me cherchez kama tu avec votre esprit. Na roho zenu zote. Autrement Dieu dit, ni kusema nini? Si seulement je rencontrais ton esprit, nikikutana tu na roho yako, je vais déverser tout ça. Nitafanya hii yote. Qui a laissé son esprit à la maison? Nani ameacha roho yake kunyumba? Au nani roho yake imeshatoka hapa ishaanza tembea sijue wapi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. Angalia wa Korinto wa kwanza 2. Et le verset 9 à 13. 9 paka 13. Nous lisons ensemble, s'il nous vous plaît. Pas moja. Vous avez trouvé? Mumepata, wakonito wa kwanza, sura pili. Regardez chez les voisins, tisa, si tu n'as pas amené ta Bible. Moja. Et Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 13. Paka 13. Lisons ensemble. Tusome pa moja. 1, 2, 3. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Regardez, s'il vous plaît. L'esprit là est au majuscule, c'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu lui-même. Il est roho inaandikwa kwa surufi kubwa, ni roho wa Mungu. Vous avez remarqué? Umeona pale wameandika roho. Car l'esprit sonde tout. Roho anachunguza yote. Et même les profondeurs de Dieu. Anachunguza hata undani wa Mungu. Verset 11. Allons-y. Tuende. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Arrêtez-vous un peu. Arrêtez-vous un peu. Esprit que vous venez de lire là, c'est au minuscule. Vous avez remarqué? C'est-à-dire, qui connaît les choses de l'homme? C'est l'esprit de l'homme. Ton esprit. Mais qui est cet esprit? C'est cet esprit que Dieu a déposé de dans Adam, et que nous avons hérité l'esprit de l'homme. Allez-y, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit au minuscule du monde, qui est le système, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Regardez maintenant, mes frères. Sasa muangalie wa ndugu zangu. Autrement, ni kusema hivi. Tu ne vas rien comprendre de la grâce. Ah, utaelewa kitu muneema. Si tu n'y vas pas avec l'esprit. Kama haukuye na roho. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais on y accède avec notre esprit. Réalisons ces versets. Verset 12. Est-ce qu'on peut lire à haute voix, s'il vous plaît? À haute voix. Oh! Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc il y a bien kimwili kimwili. Hatuongelei maneno na mambo ya madiskuru ya hekima ya kidunia. Mungu Baba. Tunaiongea na hekima ya kiroho ya Mungu. Nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux où les discours qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Si tu utilises le langage humain pour des choses spirituelles, tu tombes à côté. Unapita pembeni. Si tu cherches les choses que Dieu a préparées pour nous, Mungu alitutarishia par sa grâce, tu cherches à les comprendre. Unataka kuielewa na akili. Dans la chair, kimwili, tu es à côté. Uko pembeni. Vous voyez, quand Dieu vient dans une réunion et que nous sommes disposés et que nos esprits sont disposés et qui commence à toucher les gens, la plupart d'entre les autres cessent d'être concentrés et ils commencent à faire les caméramans pour regarder. Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Au lieu d'être resté dans l'esprit, au lieu de rester dans dans l'esprit, parce que le même esprit de Dieu qui sonde l'esprit de Dieu, le cœur de Dieu, et qui a sondé le cœur de celui qui vient d'être touché et qui l'a atteint. Il a atteint son esprit. Il a besoin de naviguer à côté pour toucher un autre esprit disposé. Et puis toi, tu es déjà sorti. Tout à l'heure, on va prier, mes frères. J'aimerais que quelqu'un prie haut. Minataka mutu aombe na roho yake. Dit à ton voisin, moi je vais prier haut. Mwambie mimi nitaomba. Nilikuwa hapa kuomba. Les prières maombi faites par l'esprit. Tukifanya na roho. Pour l'esprit. Tukiongea na roho. Des prières faites par l'esprit en minuscule. Maombi kutoka pour roho l'esprit yako, en majuscule. Unaongea na roho mkubwa, roho. Comprend les choses de l'esprit. Unachukua vitu vya kiroho. Demande l'effort de notre esprit. Inaomba nguvu yetu ya roho. Essaye un peu de te préparer. Anza kujitayarisha. Essaye. Pima kujitayarisha. Vérifie si tu es déjà en train d'avancer. Anza kuona kama uko naendelea kujitayarisha katika hali ya roho yako. Les prières que les esprits apportent à l'esprit sont reçus. Les prières que la chair amène à l'esprit, l'esprit ne les reconnaît pas. Les sacrifices sadaka que nous faisons dans la chair, tunapoileta ndani ya mwili, l'esprit ne les remarque pas. Même les offrandes que nous donnons dans la chair, c'est l'heure des offrandes. On est surpris. Mais qu'est-ce que j'ai amené en fait? Ici il y avait 500 francs, ici il y a 10 dollars. Maintenant là c'est 100 dollars. Et ici il y a 200 francs. Et puis on dit bon, ok. Si ah, bon, tapana, on prend les 500 francs. Tout ceci vont donner. Non, c'est des choses que Dieu ne remarque pas. Avenant à l'église, tu dois préparer ton offrande à la maison. C'est-à-dire que tu dois penser à ce que tu vas faire. L'offrande qui est faite avec l'esprit est reçue par Dieu. Mais l'offrande qui est faite avec la chair, c'est une perte. Mieux vaut même ne pas donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Job chapitre 32 verset 8, il est écrit: mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant, du tout puissant, qui donne de l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous nous approchons, mes frères, de Dieu, faisons en sorte que notre cœur prie. Essayons de nous détacher des formulations, des phrases. Seigneur Jésus, en effet, du fait que, en réalité, comme nous sommes venus ici, normalement, écoute. Dieu a besoin du direct, ton cœur, ton esprit direct. Tu n'as pas besoin des contours. Quand nous dansons pour Dieu, on n'a pas besoin d'attendre de voir comment Wassi va dire qu'on danse. Ok, tu commences ça sa position. Allez, allez, tu es de ça. Mes amis, quand ton esprit veut danser pour Dieu, ton esprit commence. Et le corps va suivre. Le corps va suivre. Vous savez, tout le monde peut danser une danse différente. Quand notre esprit, vous savez, frère, ton esprit c'est toi. le vrai toi, c'est ton esprit. Et donc, ton esprit, c'est d'où elle est venue. Et lorsque ton esprit doit danser pour celui qui l'a engendré, tu n'auras pas besoin de savoir qu'est-ce que le frère fait. Tu vas juste danser. Tu vas juste danser. Tout à l'heure là, dit à ton frère, il faut juste danser. Comment on danse? On n'a pas besoin d'appeler Kofi ou les danseuses de Wera ou les danseuses de Wasi. On n'a pas de danseuses ici. Et puis la Fanya Kaivi. Tu n'as pas besoin de formules de danse. Tu danses seulement. Dis à ton voisin, danse seulement. Quand il faut adorer, adore seulement. Libère ton esprit. Laisse ton esprit parler. Quand tu veux chanter pour Dieu, laisse ton esprit chanter. Va chanter en alto ou à ténor ou à basse. Laisse seulement ton esprit chanter. Chante seulement. Dis à ton voisin, tu chantes seulement. Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que vous méditez sur ça? Si mon esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant, ni pumzi ya mwenye nguvu, à quoi ressemble cet esprit? Iyo roho inafananaje? Ton esprit aperçoit? Roho yako inafikia? Est-ce que vous apercevez ce que Job est en train de dire? Je, uko nasikia mwenyewe Yobu anaongea. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Ni roho, tu peux écouter cette parole avec l'intellect. Je, unaweza sikia neno. Mais je bénis Dieu pour ceux qui viennent de l'écouter avec le reste. Nabariki Mungu na wale wanaisikia. Ils viennent de comprendre. Wameelewa. Que le souffle du Tout-Puissant. Pumzi ya mwenye nguvu. Est Tout-Puissant. Ni ya nguvu. Il y a de la puissance dans ton esprit. Parce que de là où ton esprit est venu, elle est venue de l'esprit tout-puissant. C'est pour cela que le monde des ténèbres doit respecter ton esprit. Lorsque tu affrontes le diable avec la chair, avec l'intellect, les démons te résistent. Les démons boudent. Mais quand ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un esprit, le souffle du Tout-Puissant, ils se disent, « Ah, pas anguka. » Tout genou fléchira. Toute langue prêtera serment. Nous lisons la parole de Genèse Apocalypse. Il y a tellement de richesses. Mais parce que nous lisons avec l'intellect, nous ratons toute la Bible. Quelquefois nous avons même mémorisé des versets. Mais nous les ratons en même temps. Parce que notre esprit est capable de comprendre ou de capter ce que l'esprit dit. Regardez, nous-mêmes, notre esprit est venu de Dieu. La Bible dit, les Écritures sont venues de qui? De l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée. Mais le plus fort, la Bible dit, car la parole sababu neno est esprit iko roho et vie na uzima. Regardez maintenant, sikia sasa. Il y a l'esprit de Dieu, kuko roho wa Mungu. Il y a ton esprit, kuko roho wako. Il y a la parole esprit, kuko neno ambao ni roho. Et ce sont ces choses ni kukutana ya hizi roho qui doivent être malaxées ensemble durant les deux semaines. L'esprit de Dieu, roho wa Mungu, l'esprit de la parole, roho ya neno la Mungu, l'esprit de l'homme na roho ya mutu, mélangé ensemble vinakutana na fasi ça moya. Produit des merveilles, ça produit des exaucements. Dieu ne va pas résister Mungu hata pinga à une demande kwa ombi qui lui est adressée ambayo imemuletewa par l'esprit qui est sorti de lui kutoka kwa roho ilitoka kwake. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8:28 que l'Esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimables car il connaît ce que Dieu voudrait faire. Et lorsque notre esprit est en action, le Saint-Esprit vient dans l'affaire. Ça se malaxe. Et le Saint-Esprit parle à Dieu. Et Dieu ne résiste pas à ça. Je crois que je vais m'arrêter là. On va poursuivre demain. Mais je vais terminer par dire Jacques chapitre 4, verset 5. Il est écrit: Dieu aime Mungu anapenda jusqu'à la jalousie mupaka wivu l'esprit au minuscule roho kwa sorufi ndogo qu'il a fait habiter en ambayo aliweka ikae ndani yetu. Dieu est jaloux Mungu anasikia wivu de l'esprit qu'il a mis en toi. Ya ile hali ya roho alitupatia. C'est pourquoi il se dit, ndio maana anasema, est-ce que si je vais dans cette rencontre de grâce et sondage, nikiingia mwa mkutano ya neema, je vais rencontrer ton esprit, nitakutana na ile roho niliweka ndani yako. Il est jaloux. Mungu anaisikilia wivu. C'est pour cela aussi ndio sababu que le problème de notre esprit magumu ya roho yetu dérange Dieu, inasumbua Mungu. Mais en même temps, nous empêchons Dieu d'agir parce qu'au lieu que nous envoyons notre esprit parler avec Dieu, nous mettons en marche la chair, nos convoitises. La Bible dit: Dieu ne vous répond pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos convoitises. Au lieu que notre esprit parle à Dieu, quand nous amenons les mêmes requêtes, ces requêtes sont normales. Mais monte. Lakini panda. Levez-vous, on va prier. Tutasimama, tuwe na maombi. C'était l'émission Je suis en alliance avec mon Dieu du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Nous espérons que ce message vous a vraiment édifié pour l'amélioration de votre vie chrétienne. Nous sommes sur le 19 de l'avenue Mutongo, quartier Mabanga, entrée office de route en face de la radio Sauti Angel. Notre joie est débordante de vous convier à participer avec nous au culte de dimanche, de 7h30 à 9h30 au premier culte, de 9h40 à 11h40 au deuxième culte et de 11h50 à 13h50 au troisième culte qui est bilingue. Pour plus d'infos, appelez le plus 243 994 444 032 et visitez notre site web au www.arche-vie.org. À la prochaine sur la même fréquence, à la même heure. Que Dieu vous bénisse.